Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour l'émission de ce mois d'octobre 2018 avec pour invité en studio Ferriel Bakoury, directrice de la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, accompagnée aujourd'hui de Jasmine Lebert, directrice du développement à la même scène nationale, Nouvelle scène nationale s'il vous plaît, Bruno Sabini, directeur de l'Observatoire à Cergy, salle de concert bien connue, qui est en charge de la programmation également, une salle de concert bien qui est un peu hors les murs au cours de la saison qui est présente. Yannick Moulins, chargé de communication et des partenariats à l'association La Ruche. Et enfin, Diana Berger, participante à Atlas. C'est le projet participatif qui était présenté sur scène à l'occasion du week-end d'ouverture de saison pour cette nouvelle saison à la scène nationale. Enfin, par interview téléphonique, nous aurons Marion Pellissier, collaboratrice artistique de Cyril Test, metteur en scène de Festen, une performance filmique avec une écriture théâtrale appuyée sur un dispositif cinématographique. Je ne vous en dis pas plus. Patience au cours de cette même émission. Nouvelle scène nationale, l'émission. Génération 1. Cette nouvelle saison 2018-2019 à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise est proposée avec des temps forts. Parmi ces temps forts, il y a Foot en scène. Nous en avons largement parlé au cours de notre précédente émission, mais Foot en scène, ça se déroule en ce moment même, de la danse, du théâtre, de la performance footballistique. Tout cela au cours de cette semaine du 10 au 14 octobre. C'est également les temps forts génération en trois temps tout au long de la saison, avec pour objectif de s'adresser à toutes les générations, pour et avec les jeunes générations. Pour en parler, commençons par Ferriel Bakoury, qui va nous parler et évoquer rapidement un foot en scène qui est en cours là cette semaine. Quelques mots à ce propos. On a trois spectacles très différents et géniaux, que le Stadium de Mohamed El Khatib, qui a fait un peu le tour du monde et qui raconte la joie et la fureur que provoque le foot, qu'il ne faut pas rater, au Louvray, mercredi et jeudi. Les grandes équipes de foot rassemblées par Véronica Tsevoka dans les stades de Cergy et de Pontoise. Et puis le spectacle de Michael Philippot et toute une vie du lieu qui ouvre les théâtres avec des concours de baby-foot, des ateliers banderoles, des jeux vidéo qui fêtent finalement la joie que provoque le foot, mais aussi la réflexion que provoque la rencontre entre foot et art en général. Génération, c'est le temps fort qui sera proposé à trois périodes de cette saison 2018-2019, avec une intention toute particulière pour toucher en effet toutes les générations, y compris les plus jeunes. Et justement, c'est une programmation qui a été conçue pour et avec. On va commencer d'abord par le spectacle qui va être proposé par Bruno Sabini, concernant, on va dire, un partenariat d'abord qui a été noué à cette occasion avec la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Il s'agit d'abord de Panda Dub, mais avant de parler de l'artiste, peut-être dire quelques mots sur ce partenariat, Bruno Sabini. Ce partenariat, il est né en fait d'une double envie qui est celle de la scène nationale de mettre en place ces rendez-vous génération et puis une envie de ma part aussi de trouver des partenaires pour cette période dehors les murs puisque l'observatoire est en travaux actuellement pour réhabilitation et reconstruction d'un équipement qui sera entièrement dédié à la musique sur la ville de Cergy. Et du coup nous sommes dehors pour quelques temps, donc hébergés essentiellement à Visage du Monde mais aussi à l'université. Et du coup, à l'occasion de ce premier partenariat avec la scène nationale au Théâtre 95. On va parler du concert de Panda Dub sur Cergy-Pontoise à l'occasion de ce temps fort génération. Alors pour ceux qui ne sont pas encore connaisseurs du dub, comment parler en quelques mots de cette culture, car c'est une culture à part entière. Oui, le dub il est issu du reggae essentiellement, puisque c'est une version... je dirais trafiqué à travers des consoles d'effets et diverses machines du reggae d'origine. Les ingénieurs du son jamaïcains se sont emparés des instrumentaux pour les déformer et pour poser des voix dessus sans avoir recours aux groupes traditionnels.